de pouvoir, au niveau de son cérébral, interpréter cette énergie et lui rendre, par la parole ou par la pensée, une valeur quelconque sur le plan de la science, sur le plan de la connaissance. Est-ce qu'on peut dire que par la fusion, c'est le surhomme qui va libérer le plan astral? Exactement. Le surhomme libérera le plan astral parce que, aussitôt que l'astral sera conscient qu'il y a sur la Terre des hommes qui savent, ces êtres-là chercheront à entrer parmi les omnités à travers des hommes afin de pouvoir aller chercher dans le monde de l'homme, en fusion et en intégration, de la connaissance, afin qu'eux puissent accélérer leur intégration avec l'énergie, c'est-à-dire redescendre dans la matière. Vous savez, lorsque nous sommes bien au soleil, on n'est pas tellement intéressé à descendre dans l'ombre. Et ces êtres sont un peu ainsi. Ils sont tellement bien dans leur soleil, dans leur espace, qu'ils ne veulent pas descendre dans la matière. Et un jour, pas nécessairement sur notre planète, mais sur d'autres planètes, un jour, ils seront obligés de descendre dans la matière afin que l'énergie se fusionne avec leur ego. Bon, alors on voit le jeu des esprits, mais quel serait le jeu de l'esprit à ce moment-là dans l'homme? Le jeu de l'esprit dans l'homme n'existe pas. La seule raison pour laquelle il semble exister, c'est parce que l'homme possède trop de mémoire. L'homme vit trop l'esprit comme si l'esprit était un esprit. Le fait que l'homme vive l'esprit comme si l'esprit était un esprit donne à l'homme de l'importance au phénomène ou à la personnalisation de l'esprit. C'est là que l'homme fait des erreurs. Si l'énergie passe dans l'homme et devient pour l'homme de l'intelligence, donc l'homme, à cause de la phénoménalisation de son mental, a tendance à donner à ce phénomène une qualité personnelle. Il écoute. Mais il n'écoute pas de l'énergie. Il n'écoute pas de l'énergie dépersonnalisée. Il écoute une entité. L'homme ne peut pas voir la différence entre une entité et de l'esprit. Pour l'homme, de l'esprit, c'est une entité. Lorsqu'en fait, de l'esprit, ce n'est pas une entité. De l'esprit, c'est simplement de l'énergie intelligente. Donc, pour que l'homme puisse en arriver à passer à travers ses voiles, il faut qu'il souffre parce que sa condition humaine est une condition de relation entre l'homme et le monde des esprits. Avant de venir dans la matière, l'homme était un esprit. Il est venu dans la matière, il a établi un pacte avec le monde des esprits. Et une fois qu'il vit dans la matière parce qu'il est suffisamment évolué, la transformation de l'énergie, qu'il en arrive à la haute conscience humaine, il est obligé de voir à travers cette subtilité. C'est-à-dire qu'il est obligé de voir à travers l'illusion inconsciente de la mémoire qui le lie au monde des esprits au lieu de le lier au monde de l'énergie ou au monde de l'esprit qui est de l'énergie intelligente. Et pour ce, il faut que l'homme détruise toute forme de spiritualisation parce que la spiritualisation a tendance à personnaliser l'esprit et à donner à l'esprit qui est une réalité absolue, une qualité relative cosmique. C'est très facile pour un homme qui serait en contact avec l'énergie de l'esprit de donner à cette énergie de l'esprit la qualité d'esprit dans le monde astral. Parce que cette énergie, quand elle se manifeste à travers lui, elle parle. Donc l'homme pense qu'il parle avec son esprit, qu'il parle avec un esprit. Lorsqu'en fait, il parle avec de l'esprit, mais tant qu'il n'aura pas réalisé ceci, qu'il parle avec de l'esprit, c'est-à-dire qu'il parle avec une quantité d'énergie qui est prépersonnelle, qui n'a rien à faire avec le monde de l'astral ou le monde des esprits, il va avoir tendance, à cause de sa mémoire, à penser qu'il parle avec un esprit. Et c'est là qu'il va se spiritualiser, c'est là qu'il va souffrir, jusqu'au jour où sa souffrance l'amènera à voir clair et à ne plus vivre spirituellement sa vie nouvelle, mais à la vivre d'une façon totalement vibratoire, c'est-à-dire à la vivre d'une façon qui convient parfaitement à la nouvelle conscience de l'homme, façon qui permet à l'énergie de se rendre directement dans le mental humain et d'exploser dans son mental afin que naisse sur le plan matériel une pensée supramentale, c'est-à-dire une pensée qui n'est plus colorée par le monde des esprits ou la spiritualité. L'esprit, est-ce qu'il est dégagé des lois spatio-temporelles? L'esprit est absolument dégagé des lois spatio-temporelles. L'esprit, un jour, le mot esprit, un jour, nous ne sommes pas arrivés à ce point, mais un jour, le mot esprit devrait être remplacé par un autre mot. Mais ce qui se produira, c'est que lorsque l'homme utilisera l'autre mot pour remplacer le mot esprit, il aura le pouvoir sur la matière. C'est pour ça que l'homme aujourd'hui est incapable de trouver l'autre mot qui remplace le mot esprit, parce qu'il aurait le pouvoir sur la matière. Et l'homme ne peut pas avoir aujourd'hui le pouvoir sur la matière parce que pour que ceci vienne, il faut qu'il y ait des changements dans la conscience de la planète. Donc en attendant, l'homme est obligé de se servir du mot esprit, mais il est obligé, s'il veut parler juste, de faire une très grande ligne de démarcation entre la signification du mot esprit, qui est le produit évolutif de l'énergie rendu à un certain niveau d'intelligence, et le mot esprit qui dénote ou qui décrit des entités dans le monde de l'astral qui sont libres du corps matériel, qui sont simplement de la mémoire. Et si l'esprit est dégagé des lois spatio-temporelles, quels sont ses rapports avec le son et la lumière? L'esprit, c'est la lumière. Le son, il est créé à partir de la lumière. L'esprit, c'est de la lumière. L'esprit, c'est de l'énergie. Lorsque l'esprit commence à créer, il transforme la lumière en son, c'est-à-dire qu'il donne à la lumière une vibration plus basse. Et à partir de ce moment-là, la lumière qui a une vibration plus basse est une lumière qui commence à descendre dans les plans et qui descend jusque dans la matière. Donc, le son vient de la lumière. La lumière, c'est l'esprit, dans le sens que la lumière, c'est de l'énergie évoluée, qui est devenue intelligente, donc qui a le pouvoir de création. Donc, la différence entre le son et la lumière, c'est une différence qui est équivalente à la différence entre le monde de la lumière et le monde de la matière. Que nous parlons de matière matérielle ou que nous parlions de matière astrale. Le son commence à partir du moment dans le cosmos où la lumière crée. Le son, il est issu de la lumière pour donner à la matière des plans inférieurs une conscience. S'il n'y avait pas de son, il n'y aurait pas de conscience. Parce que c'est le son qui donne aux différentes matières, la capacité de s'amalgamer, de se transformer, de se transmuter. La lumière, elle, donne le mouvement. Elle donne la puissance. Autant le son est issu de la lumière, autant le son est relatif à la lumière. Mais jamais la lumière est relative au son. Donc, la lumière, c'est l'esprit. Le son fait partie des mondes inférieurs. Et un jour, et d'ailleurs, c'est déjà commencé, la lumière a déjà commencé à créer le son à un autre niveau, et un jour, le son qu'a créé la lumière à un certain niveau va descendre dans la matière. Autrement dit, le son qui devra servir à être utilisé par l'homme nouveau, l'homme conscient, a déjà été créé dans le monde de la lumière. Et avec les années qui viennent, ce son descendra, et éventuellement, lorsque l'homme sera prêt, il pourra l'utiliser. Mais il pourra l'utiliser, ce son, parce que déjà, lui sera dans son intelligence. Donc, il y aura une participation directe entre la lumière et le son dans l'homme, c'est-à-dire que l'homme ne pourra pas utiliser le son à travers l'astral. Il sera obligé d'utiliser le son à travers la lumière, c'est-à-dire sa propre énergie intégrée. Et c'est pourquoi l'homme doit éventuellement se déspiritualiser, pour en arriver à vivre de la relation étroite entre l'énergie et lui, qui est de la lumière, pour qu'un jour il puisse utiliser le son afin de créer sur notre planète une très grande civilisation. Il commence déjà à y avoir des applications au niveau du son et de la lumière dans des techniques de de guérison ou de rééquilibre des énergies du corps. Il y a une médecine marginale aujourd'hui qui fait une thérapie par la couleur et puis une autre par le son. Il commence à y avoir des applications. Oui, ça va se faire graduellement, mais les applications qui se font aujourd'hui se font en relation avec la manipulation de ces énergies dans l'astral. L'homme un jour devra utiliser le son à travers la lumière qui sera sienne, mais sans que ce soit coloré. Si vous regardez les gens, si vous regardez ou que vous faites une étude statistique des hommes qui travaillent à la guérison, qui travaillent dans certains domaines, qui sont d'ordre psychique, si vous regardez très, très, très, très, très bien, vous verrez que dans tous ces hommes, il y a de l'ego. Qu'il y a quelque part de l'ego. Il y a de l'ego spirituel, il y a de l'illusion d'un ordre, il y a l'illusion d'un autre ordre, mais il y a de l'ego. Autrement dit, ce n'est pas la lumière pure qui travaille à travers ces hommes. C'est une lumière qui est colorée. Mais comme ces hommes ont un certain niveau d'évolution, cette lumière sert parce qu'elle descend, elle commence à descendre. Mais elle n'est pas encore pure, cette lumière. Donc, vous pouvez vous attendre à ce que ces hommes, dans les années qui viennent, où la lumière doit s'intégrer parfaitement avec l'homme, vous devez vous attendre à ce que ces hommes vivent quelque part dans le temps. Certaines souffrances, une certaine transmutation, une certaine épuration. Pour qu'ils en arrivent un jour à pouvoir réellement utiliser le son en relation avec leur lumière, sans que la lumière soit colorée, sans qu'elle soit astralisée, sans qu'elle soit spiritualisée. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à utiliser le son peut-être en interférant sur d'autres plans? Est-ce que le son ne pourrait pas interférer sur le plan astral ou d'autres plans? Est-ce que ça ne frôlerait pas la magie noire? Ça dépend de l'individu. Ça dépend de l'individu. Moi, je parle à partir de mon point de vue. Je dis qu'il y a deux lignes. Il y a l'évolution, et il n'y a pas de partage entre les deux. Un homme qui est dans l'évolution ne peut pas être dans l'évolution. Donc, les lois qui gèrent l'homme, ici, à la pointe, ce sont des lois qui sont absolues. Il y a des hommes qui passeront à l'évolution. Ces hommes qui passeront à l'évolution seront obligés de vivre l'intégration de l'énergie avec leur ego, donc ils seront obligés de faire sauter tout ce qui en eux est astral. L'énergie ne le fera pas eux. L'énergie fera sauter tout en eux ce qui est astral. Ceux qui ne sont pas prêts à vivre cette intégration d'énergie, pour toutes sortes de raisons, sont des hommes qui seront obligés de le vivre dans d'autres temps. Et en attendant, selon leur passé, ils travailleront avec le son. Ils auront la facilité de manifester un peu le pouvoir du son. Mais cette manifestation du pouvoir du son sera colorée astralement. Elle ne sera pas pure. Donc, si vous regardez avec des yeux qui voient loin, profondément, vous verrez dans l'ordre de leur expérience paranormale, psychique, dans cet ordre, qu'il y a de l'ego. Donc, qu'il y a de l'illusion. Donc, qu'il peut y avoir un peu de charlatanisme. Donc, qu'il peut y avoir un peu de tendance à exploiter l'homme. Mais c'est l'homme lui-même qui doit voir. L'homme qui voit, qui doit voir. Les hommes qui ne voient pas, eux bénéficient de ces services rendus. Parce qu'il y a parmi ces services des services qui ont de la valeur. D'ailleurs, tout a de la valeur, mais le point n'est pas là. Le point est-ce que l'homme qui travaille avec les forces travaille avec des forces qui viennent de la lumière et qui passent à travers eux et se canalisent à travers eux? Ou est-ce que les hommes qui travaillent avec des forces travaillent avec de l'énergie interceptée par l'astral? Et elle est là la question. Et moi, je dis que tant que l'homme n'aura pas intégré son énergie, autrement dit, qu'il n'aura pas totalement déspiritualisé sa conscience, il sera manipulé par l'astral, c'est-à-dire que l'astral interviendra entre l'énergie et lui-même. Si je vous dis retour aux sources, qu'est-ce que vous entendez, vous, par ces mots, le retour aux sources? Retour aux sources, c'est un terme que je n'aime pas parce que c'est un terme qui veut dire retour à des sources que nous ne comprenons pas. Le retour aux sources, pour l'homme, c'est le retour à la haute spiritualité. C'est le retour à la lumière. Mais quelle lumière? La lumière de l'astra? Le retour à la lumière de l'astral, ce n'est pas le retour aux sources, c'est le retour à l'ancienneté. Et l'homme ne doit pas retourner à l'ancienneté. L'homme doit reprendre le contrôle de l'énergie qu'il a perdue lorsqu'il a été amené sur la Terre. Lorsque l'homme a commencé à développer l'ego, que le contact entre l'énergie et lui a été scindé, et que l'astral a commencé à prendre le contrôle de son évolution, c'est là les sources. Donc, le retour aux sources veut dire que l'homme, un jour, devra être suffisamment avancé en intelligence et en volonté pour mettre un arrêt complet sur le potentiel d'influence de l'astral dans la vie de l'homme terrestre. À ce moment-là, l'homme sera dans la source. Il sera dans la source. Mais l'homme ne retournera pas aux sources à partir de son ego. C'est la source qui viendra en lui et qui fera éclater ce qui, en lui, fait partie de son ancienneté, de son astralité, de sa mémoire. L'homme peut jouer avec la spiritualité. L'homme peut aller d'une école à une autre école. L'homme peut aller d'une philosophie à une autre philosophie. L'homme peut manipuler un peu, selon son corps de désir, son tempérament, son caractère, sa vie. Mais l'homme ne peut pas manipuler l'énergie. Et c'est là le test. Lorsque l'énergie entrera dans l'homme nouveau, elle fera éclater tout ce qui fait partie de l'homme ancien. Donc, toutes les considérations philosophiques, spirituelles, métaphysiques, retour aux sources, l'homme comprendra ce que ça veut dire. Et le retour aux sources ne veut pas dire le retour à la spiritualité de l'homme. Le retour aux sources veut dire la reprise du contrôle de l'énergie cosmique sur la Terre par l'homme. Mais à un prix. Et le prix, c'est la destruction de ce qui est toute conscience astrale en lui. Donc toute forme quelconque de spiritualité. Y a-t-il un Dieu pour vous? Et s'il n'y a pas Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais Dieu, Dieu, c'est un concept humain. Vous me demandez, est-ce qu'il y a un Dieu pour vous? Est-ce que le concept humain que nous avons utilisé pendant des millénaires vous sert? Naturellement qu'il ne me sert pas. Je suis rendu en 1984. Et j'ai mes propres expériences internes. Donc, effectivement, pour moi, il n'y a pas de Dieu comme pour l'homme. Le mot Dieu n'a aucune importance pour un homme conscient. Le concept de Dieu, c'est un concept astral. Même les entités dans l'astral recherchent Dieu. Ils recherchent Dieu, ils impriment à l'homme, ils imposent à l'homme la recherche de Dieu. Donc, le monde de la mort et le monde du matériel sont deux mondes qui sont à la recherche de Dieu. Que vous soyez mort ou que vous soyez sur le plan matériel, nous recherchons Dieu. Pourquoi nous recherchons Dieu? Parce que nous découlons, nous sommes le produit de l'esclavage psychologique qui nous est imposé par le monde astral, qui eux-mêmes sont prisonniers du temps. Nous sommes prisonniers de l'espace, ils sont prisonniers du temps, et aujourd'hui, lorsque nous parlons avec eux, nous nous apercevons très bien qu'effectivement, nous avons plus à leur dire que eux ont à nous donner. Et pour eux, c'est une très grande révélation. Pour eux, c'est un choc. Pour eux, c'est une révélation de savoir, de réaliser qu'il y a sur la Terre des hommes qui savent, c'est-à-dire des hommes qui ne sont plus prisonniers d'eux. Des hommes qui ont réussi à se libérer d'eux. Donc, le concept de Dieu, est-ce qu'il y a un Dieu pour moi, c'est absolument une question qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'orientation, parce que c'est un concept humain, c'est un concept astral. C'est un concept qui nous a été mis dans la tête. Et il nous a été mis dans la tête parce qu'il a servi à nous rendre plus humains, moins animaux. C'est pour ça que le concept de Dieu nous a été mis dans la tête. Est-ce qu'il n'y a pas une réalité derrière la Trinité en tant que concept, toujours, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine réalité derrière ce qui est exprimé par le Père, le Fils et l'Esprit? Oui, mais il faut la comprendre. Mais c'est quoi alors la réalité? Je suis d'accord qu'il y a une réalité dans le concept de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, mais il faut le comprendre. Si nous personnalisons le Père, nous sommes dans la merde. Ouais, si nous personnalisons le Fils, nous sommes dans la merde. Si nous personnalisons l'Esprit, nous sommes dans une plus grosse merde. Parce que c'est à partir de l'esprit que nous comprenons le Père, c'est à partir de l'esprit que nous comprenons le Fils. Donc si nous ne comprenons pas l'esprit, nous sommes perdus dans le Père et totalement incapables de vivre le Fils. Le Père, c'est la volonté, le Fils, c'est l'amour, l'esprit, c'est l'intelligence. Ce sont des relations d'énergie. Ce sont des relations d'énergie, mais pour nous, c'est devenu des réalités astrales. Le Père, il a une valeur psychologique. Le Fils, il a une valeur psychologique. L'Esprit a une valeur psychologique. Mais dans le sens de l'énergie, le Père représente la volonté, le Fils représente l'amour, l'Esprit représente l'intelligence. Mais l'homme ne peut pas avoir accès au Père et au Fils, c'est-à-dire à la volonté et à l'amour, sans avoir de l'intelligence. Si l'homme n'a pas d'intelligence et qu'il a la volonté, il détruit. Si l'homme n'a pas d'intelligence et qu'il a de l'amour, il s'appauvrit. Donc, les hommes aujourd'hui qui vivent plutôt du Fils que du Père et de l'Esprit sont pauvres. Et regardez dans le monde les hommes qui vivent de spiritualité, qui sont trop assoiffés de spiritualité, qui se sont limités dans la spiritualité, qui est exprimée dans le monde de l'homme comme étant de l'amour, ils ne sont pas capables de construire une civilisation. Ils sont dépouillés. Ils sont dépouillés. Et ça, c'est une insulte à l'homme, c'est-à-dire c'est une insulte à l'esprit, c'est-à-dire c'est une insulte à l'ordre cosmique des choses. Il ne devrait pas y avoir sur la terre de pauvreté. Donc, on ne peut pas invoquer la pauvreté pour donner au Fils, ou au Père, ou à l'esprit de la lune. Nous devons éliminer sur la terre la pauvreté. Pour que nous éliminions la pauvreté qui résulte de notre incapacité dans l'intelligence, de notre incapacité dans la volonté ou de notre incapacité dans l'amour, c'est-à-dire dans un amour réel, à ce moment-là, nous sommes obligés de voir et de comprendre les trois principes de la Trinité, non en fonction de l'astral. Nous ne pouvons pas voir le Père, le Fils et l'Esprit en fonction de l'astral, ou comme nous le donne, ou comme nous l'enseigne le monde des esprits, qui eux-mêmes sont empoisonnés et prisonniers de leur propre recherche pour le Père, le Fils et l'Esprit. Nous devons voir le monde ou la Trinité, ou comprendre la Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit, en fonction de l'énergie qui contient ces trois principes de volonté, d'intelligence et d'amour. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes libres réellement de vivre d'intelligence. Libre de vivre de volonté, libre de vivre d'amour, parce que l'intelligence, l'amour et la volonté, dans le sens cosmique, nous donnent de la liberté. Mais si nous cherchons la volonté, le Père et l'Esprit, si nous cherchons la volonté, l'amour et l'Esprit, autrement dit, si nous cherchons à nous endoctriner d'une trilogie qui est totalement astrale, qui n'a de réalité qu'en fonction de la valeur émotive qu'elle donne à notre mental, donc à notre spiritualité, nous sommes absolument laissés impuissants devant la réalité de l'évolution. Nous sommes naturellement laissés impuissants devant la manipulation et l'implantation de pensées qui viennent du monde astral. Nous n'avons aucun contrôle sur l'énergie. Nous sommes des êtres de l'évolution. Donc, nous ne sommes pas des hommes réels. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des surhommes, c'est-à-dire que nous ne sommes plus ou nous ne sommes pas des hommes qui ont finalement réalisé l'importance, la capacité de mettre fin à leur contrat astral pour finalement établir sur la Terre une nouvelle conscience, faire descendre sur la Terre l'énergie créative qui représente probablement, comme vous le dites, ce que nous appelons le Dieu. Mais nous comprendrons ce Dieu au fur et à mesure que nous serons de plus en plus intelligents, ou c'est-à-dire au fur et à mesure où nous aurons de plus en plus de volonté, c'est-à-dire au fur et à mesure où nous comprendrons plus en plus le principe de l'amour. C'est à ce moment-là que nous saurons qu'est-ce que c'est Dieu. Mais Dieu, ce ne sera pas l'expression psychologique d'un besoin émotif et spirituel du monde astral mis dans la tête de l'homme pour l'évolution, pour son incarcération, pour son emprisonnement, pour le garder dans un état mental infantile. Ce sera le produit de la recherche scientifique de l'homme sur le plan de la Terre comme sur les autres plans. C'est ça, Dieu. Dieu, il n'est pas, il deviendra. Et il deviendra lorsque les hommes, les systèmes, les royaumes, le matériel, le plantaire, l'animal, l'homme, le surhomme, tout ce qui grouille dans le cosmos, tout ce qui grouille dans ce cosmos deviendra un jour conscientisé. La conscientisation finale, la finalisation de cette conscience donnera naissance à quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, ce sera ce que nous appelons aujourd'hui Dieu. Il n'y a pas de fin. Dieu n'a pas de fin. Dieu n'a pas de commencement. Donc, si Dieu n'a pas de fin et Dieu n'a pas de commencement, comment pouvons-nous savoir qu'est-ce que c'est Dieu? Comment pouvons-nous savoir si ça existe, Dieu? Comment pouvons-nous dire que nous croyons en Dieu? Il n'y a pas de fin et il n'y a pas de commencement. Lorsque nous parlons de Dieu, nous mettons un commencement, nous mettons une finalité quelque part. Il n'y en a pas de fin et de commencement à ce que nous appelons Dieu. Donc, si nous respectons inévitablement le manque de début et de fin à ce que nous appelons Dieu, mais soyons patients et devenons de plus en plus créatifs, devenons de plus en plus cosmiques, devenons de plus en plus intelligents, devenons de plus en plus volontaires, devenons de plus en plus amour dans l'expression cosmique. Et à ce moment-là, au cours de l'évolution, au cours de l'immense évolution qui est devant l'homme, qui est devant non seulement l'homme de la Terre, mais l'homme qui fait partie d'autres systèmes, un jour nous découvrirons peut-être qu'effectivement, dans l'énergie, il y a une conscience, et que dans cette conscience, il y a un rapport avec l'homme, et que dans le rapport entre l'énergie et l'homme, il y a un aspect de froideur qui représente ce que nous appelons une totalité divine, que nous appelons Dieu. Mais pour le moment, si nous perdons notre temps à vouloir investiguer ceci théologiquement d'une façon ou d'une autre, c'est que nous nous sommes abreuvés par le même désir que d'autres personnes dans le monde de la mort ont. Donc, nous sommes assujettis à d'autres qui courent, alors que nous, ici, nous courons. Merci beaucoup, Bernard de Montréal.